Préface 1988. Lorsque les idées du féminisme m'ont touché pour la première fois, il y a environ 15 ans, presque chaque détail de ma vie a commencé à changer, d'une manière que je ne comprends pas toujours complètement. Depuis, on m'a sans doute demandé des centaines de fois, mais qu'est-ce qui vous a tant intéressé dans le féminisme? Cette question, sous une forme ou une autre, est habituellement teintée d'étonnement, parfois même d'une suspicion ouverte, comme si le fait d'avoir grandi en tant qu'homme et de devenir féministe, un féministe radical en plus, échappait au domaine des possibilités humaines. J'essaie alors d'expliquer, du mieux que je peux, qu'à partir de 1974, j'ai été vraiment remis en question par des amis proches, par des livres féministes stupéfiants, et par des heures et des heures de discussions intenses, et c'est la vérité, bien sûr. Mais comme tant d'hommes que le militantisme pro-féministe m'a fait rencontrer aux États-Unis depuis 15 ans, je m'inclus dans la lutte pour l'égalité des femmes à cause de raisons intensément personnelles. Si personnelles parfois qu'elles ne sauraient être déballées sans argonne. Je pense à ces hommes dont les convictions féministes jaillissent de leur loyauté envers une femme particulière de leur vie, une mère, une amante, une amie chère, qui les a amenés à un point de vue intime, presque intérieur, sur ce qu'est la vie pour les femmes sous le régime de la suprématie masculine. Ces hommes en sont venus à un engagement de solidarité envers cette femme, celui de ne pas l'abandonner, d'être de tout son cœur son allié. Pour de tels hommes, la loyauté à la vie d'une femme est vécue comme une forme profonde d'intimité, plutôt qu'une menace à leur identité, comme cela peut l'être pour d'autres hommes. Je pense aussi à ces hommes dont l'engagement envers le féminisme se nourrit de leur propre expérience de violence sexuelle ou de harcèlement sexuel de la part d'autres hommes, parfois dans l'enfance ou l'adolescence. Il se trouve que ces hommes n'ont pas refoulé ce qui leur est arrivé. Ils y ont plutôt reconnu les mêmes dimensions de violence et de harcèlement que les femmes combattaient collectivement. Ces hommes ont donc choisi, pour leur propre raison silencieuse, de se liguer au combat féministe pour la liberté et l'intégrité physique, parce qu'ils ne savent que trop bien que c'est ce à quoi tout le monde devrait avoir droit. Je pense aussi à ces hommes qui sont devenus féministes en partie pour avoir vécu la honte de grandir avec une sexualité qui ne correspondait pas au modèle normal. C'était une sexualité avide de partenariat et de tendresse ardente que n'excitait pas la suprématie et la contrainte. C'était une sexualité qui les distinguait, que ce soit des femmes ou des autres hommes. Ces hommes sont devenus, d'une certaine manière, des dissidents de la hiérarchie de classe de sexe au plan de leurs rapports intimes, et ils rassemblent leur courage pour défier également cette hiérarchie ailleurs polie. Je pense aussi à ces hommes dont le soutien au féminisme procède d'autres genres de militantisme de principe. Fort de la perspective de leur pacifisme, de leur antiracisme ou de leur désir de justice économique, par exemple, ces hommes ont appréhendé les idéaux du féminisme radical avec sérieux et honnêteté intellectuelle, à tel point qu'ils considèrent aujourd'hui le féminisme comme logiquement cohérent, ou plutôt inhérent, à toute défense des droits de la personne digne de ce nom. Si cérébral puisse sembler par moments leur engagement, il vient également, à sa façon, du cœur. Qu'arriverait-il si chacun de nous révélait la vérité la plus profonde qui fait de nous des hommes déterminés à faire partie de la révolution féministe, incapables, en fait, de ne pas en faire partie? Et pourquoi sa vision d'une pleine humanité pour tous et toutes nous émeut tant? Qu'arriverait-il si nous l'osions? Comme le poète Muriel Rukeyser qui a un jour posé cette question, je me demande si la Terre se fendrait. J'ai écrit ce livre sans savoir précisément que j'écrivais un livre. Chacun de ces essais, sauf un, a d'abord été écrit pour être dit à voix haute à des auditoires particuliers, écrit pour être communiqué de vive voix à des personnes dont j'espérais la compréhension des enjeux. Pendant plus de 10 ans, avant de commencer à écrire ces discours, j'ai été dramaturge, écrivant pour d'autres voix, alors que je restais de côté, comme un souffleur en coulisses, nourrissant les phrases inventées, les porteurs de personnages imaginaires. Mais quand ma vie a été transformée par le féminisme radical, j'ai commencé à écrire ce que ma propre voix avait à dire. Je ressentais l'urgence d'écrire des mots que je pouvais porter avec conviction, des mots que je pouvais oser dire à haute voix en public parce que je m'étais débattu avec eux en privé jusqu'à ce qu'ils soient aussi vrais que je pouvais les rendre, jusqu'à ce qu'ils disent exactement ce que je croyais, même si ces mots risquaient de provoquer certaines colères. Je n'ai presque jamais su d'avance où un essai allait me conduire au moment où je l'entamais. Habituellement, Je vais commencer par une question ou une série de questions ou un fait apparemment intraitable de mon vécu qui a assisté à ma compréhension ou le sentiment d'un dilemme philosophique qui me narguait. Puis, je travaillais à cette question en écrivant, parfois durant toute une année, jusqu'à ce que j'ai compris quelque chose qui aurait un sens clair au-delà de mon propre cerveau. En ce sens, ces essais sont implicitement autobiographiques, même s'ils ne se fondent pas sur des révélations personnelles. Et en ce sens, refuser d'être un homme désigne autant le sujet de ce livre que la façon dont il est venu à jour. Plusieurs de ces discours correspondaient à des expériences émotionnelles lorsque je les ai prononcés pour la première fois. Par exemple, j'ai écrit « Du fœtus comme pénis, l'intérêt personnel des hommes et le droit à l'avortement » et je me suis rendu de New York à Los Angeles pour le présenter à plus de 500 personnes lors d'un congrès national d'hommes antisexistes. J'imaginais à l'avance qu'ils allaient haïr ces propos. J'appelais, après tout, à la fin de la masculinité telle que nous la connaissons, et je m'attendais à être hué. Au contraire, j'ai vu l'auditoire, à mon grand étonnement, ovationner le discours de façon quasi unanime. C'est la première fois où j'ai eu l'impression qu'il existait peut-être quelque part un nombre significatif d'hommes qui n'attaqueraient pas quelqu'un qui voulait voir détruit tout l'appareil de la suprématie masculine. Mieux ensemble, ces essais dévoilent et contestent ce qui opère dans les esprits, les corps et les vies des hommes pour préserver leur conviction d'être des hommes. Le fil conducteur de ce livre est ma théorie que le sexe masculin a besoin de l'injustice pour exister. Je soutiens que l'identité sexuelle masculine est une construction de toutes pièces, politique et éthique, et que la masculinité n'a un sens personnel que du fait d'être créée par certains actes, choix et stratégies, qui ont des conséquences dévastatrices pour la société humaine. Mais c'est précisément parce que cette identité personnelle et sociale est construite que nous pouvons la refuser, nous pouvons agir à son encontre, bref, nous pouvons changer. Le cœur de notre être peut lui préférer une allégeance à la justice. Ce livre traite des liens entre la politique et l'éthique en matière de sexe, ainsi que de la possibilité d'émergence d'un soi qui est ancré dans notre capacité de justice plutôt que dans une crise permanente d'identité sexuelle. Tout en étant conçu comme une théorie de libération, ce livre est, à certains égards, bien meilleur que ma vie. Je n'ai pas toujours été à la hauteur des valeurs qu'il endosse. Mais je crois avoir été honnête en divulguant le sens de ce que je sais, fondé sur la vie que j'ai vécue et sur les vies dont j'ai été témoin. Et j'ai la conviction que d'autres personnes reconnaîtront comme authentique la perspective de libération qui sous-tend cet ouvrage. Si l'identité sexuelle masculine est une construction sociale et politique qui est liée de façon inextricable à la suprématie masculine, comme le soutient ce livre, que signifie alors refuser d'être un homme? L'identité sexuelle masculine existe en partie parce que les personnes nées avec un pénis apprennent une éthique d'injustice sexuelle, une éthique qui exclut certaines autres personnes. Pour se distinguer en tant que vrais hommes, ces gens apprennent à ignorer le sens pourtant manifeste des actes qu'ils infligent aux autres, et spécifiquement aux personnes moins masculines. Donc, de prime abord, refuser d'être un homme signifie apprendre une éthique nouvelle et radicale, décider d'en apprendre le maximum sur le sens de ses actes, des actes que l'on choisit de faire et de leurs pleines conséquences pour les autres, en considérant chaque personne comme absolument aussi réelle que nous. Ce livre est destiné aux personnes qui, comme moi, désirent depuis longtemps, plus encore que l'on ne peut l'imaginer, une telle éthique de justice sexuelle. Mise en situation historique et politique. Ce livre a été forgé au feu allumé par le féminisme radical aux États-Unis à la fin des années 1960 et durant la décennie suivante. On doit à ce mouvement social hors norme, composé d'analyses politiques et de militantisme, une nouvelle approche des liens entre la sexualité humaine et la justice sociale. Les idées décapantes du féminisme radical concernant l'imbrication de la violence sexuelle et de la tyrannie ont depuis rayonné bien au-delà des frontières des États-Unis comme une traînée de poudre qui a déclenché des transformations dans le monde entier. Mon livre est un flambeau allumé à cette flamme. En 1995, les délégués à la conférence mondiale de Beijing sur les femmes ont ratifié un programme d'action où elles déclaraient, notamment, les droits fondamentaux des femmes comprennent le droit d'être maîtresse de leur sexualité, y compris leur santé en matière de sexualité et de procréation, sans aucune contrainte, discrimination ou violence, et de prendre librement et de manière responsable des décisions dans ce domaine. Ces mots dénotent à eux seuls l'ampleur prise par les idées féministes radicales à l'échelle de la planète. Mon texte est avant tout marqué par l'héritage philosophique d'où émergeait la déclaration de Beijing. Une conviction morale et intellectuelle issue d'une résistance populaire contre la haine érotisée des femmes. Le présent livre a contribué à cette insurrection en traduisant les idées féministes radicales en une vision du monde et une identité morale que pouvaient revendiquer et incarner sans fausse honte les personnes nées avec un pénis. Faut-il nécessairement que cette caractéristique anatomique impose une identité sexuelle imperméable à l'empathie et résistante à toute reddition des comptes? Avoir un pénis implique-t-il une identité de classe de sexe solidaire des violeurs, des proxénètes, des pornographes et des mariés agresseurs, véritables hommes de main et miliciens de la domination masculine? Mon livre répond sans équivoque par la négative. Et contrairement à la vague récente de mouvements d'hommes antiféministes, version contemporaine des cultes antiques de la virilité, ce livre ne trahit pas les femmes et leur vie pour le faire. Il ne propose pas d'excuses à la violence des hommes et à leur domination des autres. Il ne cherche pas à racheter ou à ressusciter le patriarcat. Il ne se contente pas de stratégies réformistes qui reproduiraient l'injustice de genre. Mon titre, Refuser d'être un homme, a inspiré des gens et en a irrité d'autres. Une fois, à la fin d'un talk show enregistré aux États-Unis et diffusé ensuite dans d'autres pays, alors que je cuisais sous les spots du studio à parler des hommes et de leur pornographie, l'animateur, un célèbre progressiste, me mit au défi, en postillonnant un peu, d'expliquer le sens de mon titre. Je parle simplement de désavouer le privilège associé au fait d'être né avec un prolongement de l'urètre entre les jambes, lui proposai-je. Je veux dire la même chose que ce que je voudrais dire par refuser d'être un blanc dans une société raciste. Comme nous étions aux États-Unis, pays marqué par une tradition exceptionnelle de lutte contre la domination blanche, je m'attendais à ce que ma réponse fasse sens pour cet homme. Ce ne fut apparemment pas le cas. Il parut ébahi et changea de sujet. La toute première parution de ce livre est à mes yeux un genre de poteau indicateur au bord de la route, un graffiti sur un mur, un marqueur de sentier forestier. Les gens qui s'y arrêtent, peut-être à cause du titre, et en lisent parfois quelques pages, semblent soit attirés par sa perspective, soit vite braqués contre lui, choqués et sur la défensive, en prenant résolument le contre-pied. Peu y restent indifférents. Quelque chose a ici un effet polarisant, indiquant à certains êtres une voie d'approche possible et à d'autres un terrain à fuir. La politique radicale a cet effet. En matière d'égalité, les changements sociaux importants n'émergent pas du centre libéral, des noms engagés, d'une voix mitoyenne. Les grands changements ont lieu quand le centre est forcé à migrer, du fait d'avoir été ébranlé par des gestes politiques qui contestent la complaisance, balayent les sédiments des préjugés reçus et dévoilent des contradictions qui verrouillent le statu quo. C'est devenu particulièrement vrai quand le féminisme radical a démystifié les idéologies patriarcales et leur essentialisme de genre. À la fin du XXe siècle, on a vu progressivement se brouiller la certitude traditionnelle d'une identité sexuelle masculine fixe, métaphysiquement ancrée dès la création du monde, viscéralement inscrite dans les corps et, qui sait, peut-être même transcendantalement décrétée. Pourtant, beaucoup de gens, se cramponnant encore à l'illusion d'une existence matérielle du principe masculin, le défendent de toutes leurs forces et leurs rages. Peut-être est-ce parce qu'ils et elles savent déjà, à un certain niveau, qu'en l'absence de force et de colère, la classe masculine de sexe n'est qu'une chimère. Peut-être a-t-on déjà l'intuition que, sans la domination masculine systémique, personne ne peut avec crédibilité être un homme. L'incidence du viol des femmes aux États-Unis est plus élevée que dans tout autre pays qui en fait le décompte. Elle est 4 fois plus élevée qu'en Allemagne, 13 fois plus élevée qu'en Angleterre et 20 fois plus élevée qu'au Japon. Ce n'est donc pas à l'honneur de la gauche américaine de s'être généralement peu intéressée à l'analyse féministe radicale des modes d'exercice physique de la domination masculine, notamment le viol, la violence conjugale, la prostitution et la pornographie, pour ne rien dire des insultes, malversations et trahisons quotidiennes. Aux États-Unis, les progressistes ont généralement mieux accueilli les visions plus libérales du féminisme, par opposition au message central du féminisme radical, soit le caractère profondément problématique de l'utilisation et de l'exploitation personnelle des femmes par les hommes, une réalité qui pourrait pourtant éclairer et nous aider à comprendre ce qu'ont en commun tous les systèmes d'exploitation et d'oppression. Il est triste de constater, en écrivant ces lignes, 10 ans après la première édition de Refuser d'être un homme, que la gauche libérale américaine a presque unanimement embrassé l'industrie du sexe en appuyant les pornographes et les systèmes de prostitution, contrairement, par exemple, à une partie significative de la gauche européenne. Ce rejet par le progressiste du déboulonnement féministe radical des liens entre l'érotisme, l'identité sexuelle masculine, la possession sexuelle et l'injustice amène aujourd'hui cette gauche à ressembler de plus en plus à la droite, en adoptant des politiques favorables à l'achat sexuel et l'appropriation du corps des femmes par les hommes. La seule différence est que les idéologues de droite insistent sur une propriété sexuelle privée, individuelle, celle par l'homme de son épouse, tandis que les idéologues de gauche fantasment sur une appropriation sexuelle collective ou sérielle, celle par l'homme d'à peu près tout ce qui bouge. Les détracteurs du féminisme radical l'ont présenté sous le faux jour d'une politique semant la discorde entre hommes et femmes. En fait, ce que ce mouvement a accompli, c'est de tracer une distinction claire entre, d'une part, les gens qui accréditent, achètent, aiment, défendent, collaborent ou profitent de l'érotisation de l'inégalité, et les autres qui, pour leur part, souhaitent passionnément érotiser l'égalité. Et, comme ce livre en témoigne, notre anatomie génitale ne prédit ou ne détermine en rien de quel côté de cette ligne on se rangera. Contre le poids acquis de la misogynie et des préjugés qui l'accompagnent, le présent livre soutient simplement que si la justice doit avoir un sens, elle doit inclure tout le monde et s'abstenir de protéger une certaine hiérarchie ou injustice simplement parce que certaines personnes la trouvent sexy. Jouisser son ventral, ce cliché moral bancal ravaché depuis les années 60, s'est avéré un paradigme désastreux pour un monde où la violence est devenue, pour bien des personnes, un passage obligé vers le plaisir, et où la domination masculine constitue, pour encore plus de gens, l'expérience sensorielle incontournable du genre. Le présent ouvrage affirme sans embâche qu'il ne peut exister deux versions, masculine et féminine, des valeurs. L'éthique ne peut être duale, scindée selon le sexe, avec des identités différenciées hiérarchiquement en termes d'estime de soi. Bref, la polarité de genre et la justice ne peuvent coexister sur Terre. Ces principes sont mutuellement exclusifs. Et mon livre, imprégné de la vision des droits de la personne propre au féminisme radical, qui refuse de mettre la subordination sexuelle privée à l'abri d'une critique de l'impérialisme et du colonialisme dans l'affaire publique, ce livre dit aux gens qui le trouvent en chemin, courage, continuez, parce que votre passion pour la justice n'est pas une affaire d'organes génitaux, mais de conscience. L'ancrage moral de ce livre est propre aux États-Unis, comme le constateront sans peine ses lecteurs et lectrices d'outre-Atlantique, puisque le féminisme radical plonge ses racines dans le mouvement bien particulier où a émergé ici le mouvement pour les droits civiques des Noirs dans les années 50 et 60. La genèse de ce mouvement était une conception toute nouvelle, lancée à la conscience de l'Amérique par de grands défilés, des discours inspirés, de la désobéissance civile et des recours en justice, toutes et tous soutenant que les idéaux de la démocratie ne pouvaient tolérer une discrimination basée sur la couleur de la peau et qu'aucune condition de naissance ne pouvait moralement ou légalement justifier la subordination d'un être humain à un autre. Cette idée profonde et révolutionnaire n'était pas présente à l'esprit des hommes d'ascendance européenne, dont plusieurs propriétaires d'esclaves qui, dans les années 1700, ont fondé les États-Unis d'Amérique et inscrit dans sa constitution le projet de garantir la vie, la liberté et la recherche du bonheur aux hommes blancs comme eux. Dans les faits et dans ses conséquences, la Constitution des États-Unis a d'une même voix sauvegardé la tolérance du pluralisme religieux et l'endossement de l'esclavage par l'État. Inspirés par les Lumières françaises, mais seulement jusqu'à un certain point, les pères fondateurs du nouveau pays ont judicieusement conçu une éthique civile qui ancrait dans la même notion de liberté le libre choix du culte et le droit d'asservir d'autres êtres humains. Après la guerre de Sécession, l'esclavage devint illégal, mais le principe qui le sous-tendait demeura intact, soit un concept de liberté qui tenait le gouvernement à distance des affaires des puissants et n'obligeait pas l'État au moindre geste pour aider toute personne maintenue au bas de l'échelle. Ce n'est qu'après le mouvement de lutte pour les droits civiques des Noirs que l'égale protection des lois, un simple passage du 14e amendement à la Constitution américaine, puis progressivement étendue aux personnes désavantagées par la discrimination raciale. Et c'est seulement à partir de la Civil Rights Act, votée subséquemment en 64, que la notion de liberté qui justifiait la possession d'esclaves dut reculer devant le principe contraire de non-discrimination, un concept juridique qui interdisait tout traitement différencié en raison de la race et par extension en raison du sexe. Ce principe ne doit cependant pas être confondu avec une promesse positive d'égalité véritable. Il n'oblige en rien le gouvernement des États-Unis, soi-disant exercé de, par et pour le peuple, à prendre la moindre mesure pour remédier aux inégalités sociales, quelles qu'elles soient. Même si les personnes lésées sur la base de la race ou du sexe ne sont pas, en théorie du moins, privées de recours dans le droit américain, la loi antidiscrimination s'est avérée, au mieux, un simple palliatif à l'oppression. Ailleurs dans le monde, dans la nouvelle charte canadienne des droits et libertés et dans la nouvelle constitution sud-africaine par exemple, l'État est aujourd'hui explicitement obligé à une garantie d'égalité, du moins en principe. Il n'existe rien de tel aux États-Unis. Le seul effet qu'a eu la loi antidiscrimination américaine, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs de l'argent et de la suprématie blanche et masculine doivent engager des avocats plus coûteux pour faire leur sale boulot. Le serment d'allégeance au drapeau des États-Unis parle de liberté et justice pour tous. La déclaration d'indépendance américaine qualifie la liberté de droit inaliénable, mais il persiste une contradiction entre la justice réelle, concrète, et la liberté individuelle posée comme inaliénable. Par exemple, la tension qui oppose la législation antidiscrimination actuelle et le libertarisme hérité des propriétaires d'esclaves est plus qu'évidente dans la collusion de l'État avec les pornographes. Fort de la culture de base de leur industrie, l'exploitation et l'expropriation d'une chair humaine économiquement vulnérable, les fabricants de pornographie ne ressemblent à rien autant qu'à des négriers de l'ère technologique. Pourtant, leur liberté éclipse la protection égale de la loi pour toute personne à qui ils portent préjudice. Les féministes radicales des États-Unis ont tenté, depuis le début des années 80, de déchirer le manteau libertarien dont les pornographes trappent leur violation des droits civiques des personnes, mais, jusqu'à présent, le droit américain assure à ces violations l'immunité d'une expression protégée par la Constitution. Un ressac politique tout aussi vengeur s'est dressé contre la contestation radicale de la domination blanche par le mouvement pour les droits civiques des Noirs. Ce backlash a fait reculer les programmes d'action positive et imposé des restrictions à l'aide sociale versée aux femmes pauvres et à leurs enfants. Mais la façon particulière qu'a l'industrie du sexe de conserver un caractère sexy à la discrimination sexuelle a posé un obstacle distinct à l'égalité des femmes de toute race et origine ethnique. Et, à son grand déshonneur, la gauche américaine libérale s'est rangée aux côtés de l'industrie du sexe. Bref, le verre est encore à moitié vide, mais le verre est aussi déjà à moitié plein. Le mouvement pour les droits civiques des Noirs qui a balayé les États-Unis était un événement hors du commun. On avait rarement vu les victimes d'un système d'oppression modifier de façon marquée le fondement moral de ce système. Ici et là, et de temps à autre, les opprimés avaient mené des coups d'État, des révolutions, des rébellions et d'autres actions du genre. Mais avec le mouvement des Noirs aux États-Unis, une classe jusqu'alors assujettie a imposé au pays un changement de cap éthique. La démocratie aux États-Unis a dû prendre une autre signification par la suite, tout comme la dignité humaine. Quand je voyage à l'étranger, c'est d'abord cela qui me rend fier de mon pays. Le fait de savoir qu'a pris naissance ici, dans la lutte contre les persistances nationales de l'esclavage, l'idée qu'aucun aspect physique des êtres humains ne diminue leur égalité ou ne justifie des hiérarchies entre eux, qu'aucune condition de naissance ne leur accorde de statut, et que l'humanité est également incarnée dans un vaste et uniforme tissu composé de gens de même valeur. Le féminisme radical ne pouvait émerger et ne l'aurait pas fait sans le projet éthique égalitaire issu du mouvement pour les droits civiques des Noirs. Par conséquent, à la différence du type de féminisme apparu ailleurs sur la base d'analyse économique de l'oppression, un féminisme loyal aux idéaux de la gauche dans la lutte de classe anticapitaliste, le féminisme radical américain a pris racine dans une éthique incarnée des droits civiques qui ne souffrait aucune discrimination de valeur fondée sur une différence anatomique. Les minuscules variantes de l'organisme qui fait de nous tous et toutes des êtres humains ne peuvent ni justifier ni expliquer le système de haine et de hiérarchie qu'ont créé les êtres humains dans le domaine précis des comportements sexuels. Ce principe d'égalité est axiomatique dans le féminisme radical américain, et c'est pourquoi celui-ci s'avère si intransigeant dans sa critique du rôle que joue dans l'oppression une sexualité masculine façonnée par la culture. Le sexe, la violence sexuelle et l'identité sexuelle masculine sont au féminisme radical ce que sont le capital, la pauvreté et la classe possédante pour les féministes, dont l'allégeance centrale se porte vers des principes qu'elles peuvent partager avec les hommes de gauche. Faire état de ces distinctions analytiques n'est pas prétendre qu'une lecture est la bonne et que l'autre n'est que fausse conscience. C'est plutôt souligner ce qui est particulier au féminisme radical dont ce livre est imprimé. Les idées qui ont rallié la Révolution française, celles qui ont nourri le siècle des Lumières, lancé la Révolution russe ou animé la Révolution chinoise, aussi importantes et influentes qu'elles soient, sont toutes nées parmi une intelligentsia de philosophes masculins, instruits et appartenant à l'élite. En contrepartie, l'éthique radicale de l'égalité qui a mobilisé le mouvement américain des droits civiques des Noirs est apparue parmi les personnes qui, en raison de leur origine raciale, vivaient au bas d'une hiérarchie que leurs idées allaient bouleverser. De façon semblable, l'éthique radicale de l'égalité qui a mobilisé aux États-Unis le nouveau féminisme est née de l'expérience de l'inégalité et des témoignages de viols, de violences conjugales, d'inceste et d'exploitation sexuelle dans la prostitution et la pornographie, paroles sanglantes de celles dont la domination masculine avait harponné le corps piégé. L'argent et la richesse jouaient souvent un rôle dans cette injustice, mais sans suffire à expliquer son incarnation, sa puissance palpable, chair contre chair. Une autre puissance était à l'œuvre. Le féminisme radical a localisé cette force dans la subordination sexuelle de la femme par l'homme, et le présent livre poursuit cette investigation en explorant l'expérience de l'identité sexuelle masculine en tant que telle. Contrairement à ce que prétendent ses opposants, le féminisme radical n'a pas jeté la pierre à une classe biologiquement déterminée, les hommes, mais à un système de valeurs, une éthique de l'injustice à laquelle on avait conditionné tout l'érotisme, aussi bien celui des femmes que des hommes. Le présent livre revendique une échappée hors de cette injustice, un auto-examen radical chez les personnes nées avec un pénis, une investigation radicale de l'éthique de notre identité sociale en tant qu'homme. Au plus fort du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, le grand essayiste, romancier et auteur dramatique James Baldwin a été largement incompris et vilipendé pour ses tentatives de fomenter une nouvelle conscience éthique chez les personnes qui se croyaient blanches de naissance. Il a exhorté ces gens à s'engager dans un auto-examen radical du sens politique de leur présomption d'identité, à reconnaître le fondement spécieux de leur blancheur au plan social et relationnel. Dans un documentaire de l'époque, on voit le jeune Baldwin confier à un intervieweur, les yeux étincelants de ferveur, une des vérités les plus profondes qu'il ait jamais énoncées. Si vous insistez pour être blanc, je n'ai d'autre alternative que d'être noir. J'ai souvent entendu Baldwin exprimer cet argument dans les années 1980, lorsque j'ai eu la chance extraordinaire de le côtoyer. Je travaillais à New York comme rédacteur en chef d'Essence, un magazine d'envergure nationale s'adressant aux noirs. Baldwin, qui approchait de la soixantaine, enseignait alors au Hampshire College à Amherst, Massachusetts. De passage dans cette région, à l'occasion d'un congrès régional d'hommes antisexistes, je pris rendez-vous avec lui dans l'espoir de le convaincre de participer au magazine. Lors de cette première conversation, nous en eûmes plusieurs autres par la suite, j'abordais, à la terrasse d'un restaurant ensoleillé, un thème que je savais être au centre du travail d'essayiste de Baldwin, sa conviction que la catégorie de race est un construit social. Il jugeait celle-ci dénuée de poids scientifique, matériel ou mythologique. La seule importance dont elle pouvait se targuer venait à des polarités de pouvoir politique. Baldwin disait « Personne n'était blanc avant d'arriver en Amérique. Il a fallu des générations et énormément de coercitions avant que ce pays ne devienne blanc. L'Amérique est devenue blanche. Les personnes qui, à les entendre, ont fondé le pays sont devenues blanches par nécessité de nier la présence des Noirs et de justifier leur assujettissement. Aucune communauté ne peut être basée sur un tel principe, ou, en d'autres termes, aucune communauté ne peut être établie sur un mensonge aussi génocidaire. Des hommes blancs, ceux de la Norvège par exemple, où ils étaient des Norvégiens, sont devenus blancs en massacrant des bovins, en empoisonnant des puits, en incendiant des maisons, en exterminant les Américains autochtones et en violant des Noirs. L'œuvre de Baldwin m'avait aidé à percevoir en termes de pouvoir et d'injustice la connotation raciale que nous attachons aux attributs anatomiques. Je doute que j'en sois arrivé à dire, comme je le fais dans Refuser d'être un homme, que le sexe masculin a besoin de l'injustice pour exister, si je n'avais pas compris avec Baldwin que la catégorie de blanc ne devient crédible que par des actes d'assujettissement. Son point de vue était à la fois spécifiquement américain et implicitement universel. C'était un coup de sonde sous les marqueurs superficiels de la race, un motif de discrimination ostensiblement interdit par la loi américaine des droits civiques. Baldwin plongeait jusqu'au noyau où l'identité et le comportement se touchent, où le soi et la société font intersection, où la haine et l'amour se joignent, où l'éthique et l'érotisme se confrontent, bref, l'endroit où nous ressentons le plus profondément l'identité que nous croyons nôtre. Lors de ce déjeuner convivial, et après plusieurs verres, je mentionnais que certaines écrivaines féministes radicales avaient commencé à interpeller la catégorie de sexe. Je lui dis que quelques-unes d'entre elles, inspirées par sa propre critique radicale de la notion de race, avaient commencé à contester la croyance très répandue que l'identité sexuelle humaine était absolument dichotomique. Mon amie Andrea Dworkin, au milieu des années 1970, m'avait présenté cet aspect de l'œuvre de Baldwin. Et de ce constat, des féministes comme elle laissaient entendre que le genre était également une construction politique et sociale, sans base matérielle intrinsèque ou inhérente. J'étais curieux de savoir si Baldwin avait connaissance, même partiellement, de ses travaux. « Non, répondit-il, il n'en savait rien. « Eh bien, demandai-je, qu'en pensez-vous ? » Timmy sourit, ses mains gracieuses voltigèrent tout à coup et, immédiatement, comme si une lumière s'était allumée en lui, il me répondit « Mais bien sûr !» Étonné, je restai bouche bée et, dans ce qui me sembla un moment de grâce, je lui souris simplement en retour. Jimmy est mort en 1987, avant que j'aie la chance de lui faire personnellement cadeau du manuscrit de ce livre, comme j'en avais l'intention. Et aujourd'hui, au souvenir de ce déjeuner, je constate avec beaucoup de tristesse l'éclipse de sa généreuse vision. Avec une passion du bien aussi exceptionnelle à l'époque qu'aujourd'hui, Baldwin a problématisé la blancheur, comme diraient aujourd'hui les universitaires. Il l'a fait non seulement pour les personnes exclues par cette notion, mais également pour celles prétendument incluses dans cette identité dominante. Après quelques 25 ans passés à problématiser le masculin dans une perspective féministe radicale, je suis devenu vivement conscient de la résistance énorme soulevée par cette critique. En effet, on a vu certains milieux se bousculer pour s'en distancier dans un mouvement massif de retranchement, tel un contre-refus du refus d'être un homme. Même chez les universitaires sincèrement progressistes du nouveau champ des études sur les masculinités, qu'on appelle aussi « men's studies », le projet de différencier des masculinités est la plupart du temps une résistance à la critique féministe radicale du masculin en tant que tel. Car aussi intrigante que puisse être l'exploration érudite de diverses masculinités, elle reste en deçà du problème de base. Faute d'une entière reconnaissance du mensonge sous-jacent au principe masculin, la domination politique structurelle sans laquelle le masculin n'a aucun sens social ou subjectif, le paradigme des masculinités ne sert, au plan théorique, qu'à induire en erreur une nouvelle génération de plus. Dans les années qui ont suivi l'émergence du mouvement pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, quand sa réévaluation profonde de la dignité humaine a menacé de porter radicalement atteinte aux prérogatives de la blancheur, il s'est également produit une résistance massive et un virulent mouvement de ressac qui demeure en cours. Les défenseurs américains de la blancheur se regroupent aujourd'hui non seulement dans les groupes les plus grossiers de la propagande haineuse, le Ku Klux Klan, le mouvement de l'identité chrétienne, ceux de la nation aryenne ou des patriotes, mais aussi autour de stratégies plus cauteleuses et moralisantes, par exemple les recours judiciaires pour discrimination à rebours, ou le modèle pédagogique de multiculturalisme, une palette dépolitisée où la blancheur est réduite à une couleur parmi d'autres. S'inquiétant sincèrement de la haine raciale endémique aux États-Unis, des universitaires ont introduit un nouveau champ appelé « Whiteness Studies », études de la blancheur, qui partage avec le « Men's Studies » une prétention similaire, Ni l'un ni l'autre ne souhaite particulièrement disséquer les prémices politiques et éthiques de l'identité en question. Aucun ne souhaite voir cette identité dépérir faute d'adeptes. Les études de la Blanchard et celles sur les hommes cherchent plutôt à cataloguer des variantes sur le même thème, comme si une multiplicité ethnographique et un abondant appareil de notes pouvaient combler l'abîme moral où s'érigent ces deux structures identitaires. Plusieurs mouvements masculins de masse, dont le respect pour la Blanchard va du militantisme au simple libéralisme, sont apparus aux États-Unis depuis la première publication de « Refuser d'être un homme ». Tous se rallient à une idéologie farouchement opposée aux valeurs du présent ouvrage, et tous tentent, d'une manière ou d'une autre, de mettre le principe masculin à l'abri de la critique féministe radicale. Des coalitions improvisées ont inclus le lobby des droits des pères, les tenants de l'idéologie mythopoétique néo-jungienne, les intégristes religieux qui se nomment les Promise Keepers en remplissant des stades sportifs, la Nation of Islam au nationalisme racial avec sa marche d'un million d'hommes et des guerriers de fin de semaine au rituel paramilitaire. Dans les années à venir, on verra sûrement émerger plus de groupes de ce genre qui s'organisent en réaction à une critique radicale justifiée. En contrepartie, le mouvement progressiste est aujourd'hui en pleine déroute aux États-Unis. Faute d'un ennemi commun, ces factions ne peuvent être ralliées, ni les foules être soulevées. Au cours des deux dernières décennies, depuis que le mouvement des droits civiques a inspiré la Black Pride, fierté d'être noir, à des centaines de milliers de personnes, on a vu émerger un effort de coalition de catégories de personnes en revendiquant une oppression analogue. C'est une fragile mosaïque de personnes diversement privées de leurs droits, stigmatisées et subordonnées à l'intérieur d'une hiérarchie sociale où, en raison d'un trait commun, d'une acculturation ou de quelque autre marqueur de statut, on les considère comme autres d'une façon qui correspond à une catégorie donnée. En un sens, ce développement a eu un bon côté. Le mouvement américain des droits civiques a fourni à toutes sortes de gens un modèle leur permettant de résister fièrement à toute tentative de leur faire honte et de les rabaisser. En revanche, la législation américaine des droits civiques, qui conçoit la discrimination contre les catégories identifiables selon des termes juridiquement reconnus, a eu pour effet paradoxal de réifier l'ensemble des catégories, y compris et particulièrement celles des groupes dominants. Ainsi, plus la loi définit la discrimination en raison de la race, plus la catégorie de blancheur s'impose. Plus la loi corrige les griefs formulés en raison du sexe, plus la catégorie des hommes acquiert un poids démesuré. L'impulsion originelle du mouvement des droits civiques, avec comme fondement une éthique radicale de l'égalité, a ainsi été éclipsée, peut-être même supplantée, par des distinguos juridiques sur l'importance d'éviter toute discrimination entre les catégories ainsi réifiées. Les libéraux aiment bien ce principe, puisqu'il maintient en place des systèmes de catégories bien connus. Les conservateurs l'aiment aussi, parce que des plaidoiries habiles peuvent facilement détourner ce principe pour qu'il serve à conforter les prérogatives d'une catégorie dominante, sous prétexte d'un traitement égal devant la loi. Quant aux partisans d'une politique radicale qui comprennent que certaines catégories de différences, comme la race blanche et le sexe masculin, n'ont d'existence historique que par la domination de quelque autre, ils et elles s'accommodent du mieux qu'ils peuvent de ce modèle juridique des droits civiques. Aux États-Unis, la législation antidiscrimination actuelle, que l'on pourrait qualifier de maniaco-catégorisante, a aussi nuit aux efforts des progressistes pour former des coalitions. Depuis quelques années, ces assemblages hétéroclites sont devenus de plus en plus difficiles à définir et à coordonner, du moins sans des rappels démagogiques à l'unité contre quelque organisation ou figure adverse diabolisée, et ce, parce que bon nombre de ces leaders moraux se sont généralement épuisés en querelles de distinction entre groupes catégorisables. Cela donne inévitablement lieu à des concurrences et à des conflits pour savoir quel groupe est le plus vulnérable, le plus hanté par l'histoire, le plus dénigré et méprisé. Et, forcément, ces catégories manquent toutes de démarcations claires, puisque le sens de chacune n'est pas relatif aux autres catégories, mais bien à chaque identité dominante définie contre et en regard de chaque altérité disparate. Par ailleurs, si qui que ce soit appartient à deux ou à plusieurs catégories d'altérité et refuse de limiter son engagement à une seule d'entre elles, ou si cette personne appartient à un conglomérat d'identités dont une, dominante, en altérise une autre, On voit échouer le modèle progressiste de coalition post-droitiste. En effet, la notion de catégorie d'oppression ne convainc que dans la mesure où elle semble créer une identité pour la classe de personnes y appartenant. C'est l'argument de Baldwin. Si vous insistez pour être blanc, je n'ai d'autre alternative que d'être noir. Mais l'identité qui est créée de la façon la moins équivoque est toujours l'identité dominante. La blancheur, le masculin, l'hétérosexualité, bref, la normalité, l'identité, quelle qu'elle soit, qui s'évaporerait sans une catégorie subordonnée à altériser. Parmi les diverses configurations d'identité opprimée que le mouvement progressiste américain prétend représenter, il est dit que l'on est libre d'adopter une multiplicité de points de vue. Il serait possible de participer d'une identité altérisée ici et là, et peut-être même aussi d'une identité d'oppresseur. Mais pour se faire accréditer dans ce schéma, pour y avoir un droit de parole, quel qu'elle soit, on doit se voir reconnaître au moins une oppression authentique. Naturellement, cette nécessité d'un créneau crédible rend mal à l'aise certains individus, par exemple ceux qui sont non handicapés, ont la peau rose, sont hétérosexuels et dotés d'un pénis, car comment peuvent-ils être certains de ne pas se trouver de ce fait désignés comme oppressants? Le mouvement progressiste est devenu si préoccupé d'un repérage permanent des créneaux d'oppression de façon toujours plus nuancée et précise qu'elle a perdu de vue la raison principale de l'existence de toutes ces distinctions. Cette dérive est devenue un facteur familier de frustration pour les activistes dont l'analyse désigne le capitalisme comme source et raison d'être des polarités d'oppression. Il en est de même pour celles et ceux qui, comme moi, rejettent ces catégories comme autant d'avatars de structures identitaires dépourvues de signification. Elles n'ont ni vécu réel, ni cohérence collective, hormis l'absence d'empathie, la distance, la domination et le dédain. Dans la mesure, discutable, où chacune et chacun de nous n'a d'autre choix que d'être celle ou celui que nous sommes requis d'être pour consolider telle ou telle identité dominante, nous pouvons appartenir à tel ou tel groupe d'identité par subordination. Mais le fait de savoir à quelle catégorie précise nous appartenons, qu'on l'exprime avec fierté ou défiance, ne suffit pas à créer la révolution qu'il nous faut. Ce n'est qu'en prenant pour cible la structure de dominance identitaire elle-même, avec la politique et les valeurs éthiques qui la soutiennent, que chacune de nos alliances trouvera sa voie vers une cause commune, une vision unifiée et une assise morale collective. Tout le monde peut-il se joindre à cette révolution? Oui, absolument. Par exemple, on voit déjà s'amorcer une critique consciencieuse de la structure identitaire que constitue la blancheur. Aux États-Unis, ce processus a pris forme au début des années 90, parmi quelques personnes sincèrement désireuses d'un changement social égalitaire et ayant reçu de naissance le privilège d'une peau blanche. Des gens communément appelés blancs qui, d'une manière ou d'une autre, comprennent que la blancheur constitue un problème qui perpétue l'injustice et empêche même les personnes les mieux disposées de leur catégorie d'adhérer sans ambiguïté au combat pour la liberté humaine. Ignatieff Garvey, 1996-1314. Cette critique est surtout évidente au sein de ce que l'on appelle le New Abolition Movement. Pour ceux et celles qui se qualifient ainsi d'abolitionnistes, il est crucial de désavouer explicitement la structure identitaire dominante que constitue la blancheur. La clé d'une résolution des problèmes sociaux de notre époque est d'abolir la race blanche. Tant que cette tâche ne sera pas accomplie, toute réforme, même partielle, demeurera hors de portée, parce que l'influence blanche imprègne tous les enjeux de la société américaine en politique intérieure comme étrangère. Préconiser l'abolition de la race blanche diffère de ce que l'on appelle l'antiracisme. L'antiracisme admet l'existence de races, même s'il s'oppose aux distinctions sociales entre elles. Les abolitionnistes soutiennent, au contraire, que les gens n'ont pas été favorisés parce qu'ils étaient blancs, mais, à l'inverse, qu'ils ont été définis comme blancs parce qu'ils étaient favorisés. La race est elle-même un effet de la discrimination sociale. Tant que la race blanche existe, tout mouvement contre le racisme est voué à l'échec. Ignatieff Garvey, 1996-10. Ce projet abolitionniste comprend déjà plusieurs clubs étudiants, dont Students for the Abolition of Whiteness à l'Université de Chicago. Dans un texte d'opinion rédigé pour la revue Race Traitor, les leaders étudiants du groupe ont écrit: c'est l'idée de race qui produit des inégalités entre les groupes raciaux. La blancheur produit non seulement ces inégalités, mais tout le champ discursif dans lequel est située la race. La race et la pensée raciale existeront aussi longtemps que la race sera interprétée comme une catégorie ontologique. Nous croyons que la race n'est pas une catégorie à laquelle on est enchaîné de naissance. Ce n'est que lorsque la participation à la blancheur est comprise comme un choix actif que nous pouvons amorcer le vrai travail d'éliminer les injustices raciales. Abolir la blancheur signifie faire reconnaître celle-ci comme un choix conscient. Il s'agit de donner à celles et ceux qui se considèrent comme progressistes un nouveau langage pour parler de soi en tant qu'être humain plutôt qu'en tant que blanc. Kelly et Al, 1997, 4-5. De façon semblable, chez certaines personnes nées avec le privilège pénien, la critique féministe radicale du principe masculin a commencé à être entendue et acceptée de façon sérieuse, profonde et subversive. Les extraits de témoignages précités sur le projet d'abolir la blancheur ont une résonance familière pour ces hommes féministes radicaux, car l'idée du masculin produit également de l'inégalité, et le masculin est également perçu comme une catégorie ontologique. Mais le masculin n'est pas non plus une catégorie à laquelle nous sommes enchaînés de naissance, et nous pouvons également parler de nous-mêmes comme des êtres humains plutôt que des hommes. C'est notamment le cas de milliers de personnes dotées de pénis qui, depuis 10 ans, ont lieu refusé d'être un homme et qui y ont réagi positivement. Les parallèles moraux et politiques entre le refus d'être un homme et l'abolition de la blancheur sont à la fois étonnants et évidents. Ainsi, le passage suivant, tiré de la même revue abolitionniste, est également tout à fait sensé si on le lit comme un argument radical féministe masculin. Les règles du club blanc, du club des hommes, ne nécessite pas que toutes ses membres soient des adeptes de la domination blanche, de la domination masculine, mais simplement qu'ils et elles se plient aux préjugés des autres. La nécessité de maintenir la solidarité raciale, solidarité de classe de sexe, impose une conformité étouffante aux blanches, aux hommes, sur toute question touchant de près ou de loin à la race, au sexe. La façon d'abolir la race blanche, de refuser d'être un homme, d'abolir le principe masculin, est de perturber cette conformité. Si suffisamment de gens qui paraissent blancs, qui paraissent masculins, dérogent aux règles de la blancheur du masculin, leur exercice ne peut être passé sous silence. S'il devient impossible pour les tenants des règles blanches, règles du masculin, de parler au nom de tous ceux qui paraissent blancs, masculins, la race blanche, la classe masculine des sexes, cessera d'exister. Combien faudra-t-il être? Personne ne peut le dire à coup sûr. C'est un peu comme le problème de l'argent. Combien faut-il de fausses monnaies en circulation pour détruire la valeur de la monnaie officielle? La réponse est, bien moins que la majorité, juste assez pour miner la confiance du public dans la version officielle. Ray Strater, 1994, 36-37. Dans le présent livre, j'interroge et je désavoue la structure identitaire qui est le masculin, ou l'identité sexuelle masculine comme je l'appelle ici. La version officielle du masculin, la croyance selon laquelle il existe entre soi et les êtres humains féminins un fossé ontologique, une discontinuité morale et morphologique, une séparation dans l'espèce. Un ouvrage d'accompagnement intitulé « Peut-on être un homme sans faire le mal ?» poursuit ce projet dans un registre plus divertissant et populaire, en développant et appliquant ses idées dans les contextes quotidiens de l'amour, de la sexualité, de la famille et de l'amitié. September 95. Si je devais écrire « Refuser d'être un homme » aujourd'hui, j'essaierais de critiquer aussi la blancheur, en parallèle au principe masculin, plus souvent que je ne l'ai fait ici, parce que je comprends maintenant que la structure identitaire qu'est la blancheur n'existe que dans la mesure où elle reste en deçà d'un fossé démarquant les blancs des personnes de couleur, les tenant en respect. Les personnes qui, comme le dit Baldwin, insistent pour être blanches, habitent la même enclave imaginaire que ceux qui insistent pour être des hommes. Le mépris, la domination, l'absence d'empathie et la distanciation sont les mêmes. Nous sommes toutes et tous des êtres humains. On est ce qu'on est, nous sommes qui nous sommes. Pourtant, nous habitons aussi des catégories en lesquelles nous avons toutes et tous été façonnés. On ne nous a pas offert d'autre choix. Et ce parce que des gens insistent avec rage sur leur blancheur et sur leur virilité. Mais gardez courage, gardez le cap. Parce que ces identités n'ont pas à être les nôtres, nous avons le choix, elles n'ont pas à devenir nos propres identités. interpretation.